La raison, la pitié, l'amour de l'ordre exigeaient assurément que, loin de se prêter à ma folie, on m'éloignât de ma perte où je courais, en me renvoyant dans ma famille. C'était là ce qu'aurait fait, ou tâché de faire, tout homme vraiment vertueux. Mais, quoique M. de Pontvert fût un bon homme, ce n'était assurément pas un homme vertueux. Au contraire, c'était un dévot qui ne connaissait d'autre vertu que d'adorer les images et de dire le rosaire. Une espèce de missionnaire qui n'imaginait rien de mieux, pour le bien de la foi, que faire des libelles contre les ministres de Genève. Loin de penser à me renvoyer chez moi, il profita du désir que j'avais de m'en éloigner pour me mettre hors d'état d'y retourner, quand même il m'en prendrait envie. Il y avait tout à parier qu'il m'envoyait périr de misère ou devenir un vaurien. Ce n'était point là ce qu'il voyait. Il voyait une âme ôtée à l'hérésie et rendue à l'Église. Honnête homme ou vaurien, qu'importait cela, pourvu que j'allasse à la messe? Il ne faut pas croire, au reste, que cette façon de penser soit particulière aux catholiques. Elle est celle de toute religion dogmatique où l'on fait l'essentiel, non de faire, mais de croire. « Dieu vous appelle, » me dit M. de Pontvert. « Allez à Annecy. Vous y trouverez une bonne dame, bien charitable, que les bienfaits du roi mettent en état de retirer d'autres âmes de l'erreur dont elle est sortie elle-même. » Il s'agissait de Madame de Varan, nouvelle convertie, que les prêtres forçaient, en effet, de partager avec la canaille qui venait vendre sa foi une pension de 2000 francs que lui donnait le roi de Sardaigne. Je me sentais fort humilié d'avoir besoin d'une bonne dame, bien charitable. J'aimais fort qu'on me donnât mon nécessaire, mais non pas qu'on me fît la charité, et une dévote n'était pas pour moi fort attirante. Toutefois, pressé par M. de Pontvert, par la faim qui me talonnait, bien aise aussi de faire un voyage et d'avoir un but, je prends mon parti, quoiqu'avec peine, et je pars pour Annecy. J'y pouvais être aisément en un jour, mais je ne me pressais pas. J'en mis trois. Je ne voyais pas un château, à droite ou à gauche, sans aller chercher l'aventure, que j'étais sûr qui m'y attendait. Je n'osais entrer dans le château, ni heurter, car j'étais fort timide. Mais je chantais sous la fenêtre, qui avait le plus d'apparence, fort surpris, après m'être longtemps époumonné, de ne voir paraître ni dame ni demoiselle qu'attira la beauté de ma voix ou le sel de mes chansons, vu que j'en avais d'admirables, que mes camarades m'avaient apprises et que je chantais admirablement.